Ludopin, tout et son contraire. Il est 8h18 et de retour avec nous cette saison pour nous jaser un peu web, Patrick Dion, auteur et chroniqueur web. Bonjour Patrick. Hello. Thématique, aider son prochain aujourd'hui. Ben oui, c'est écrit dans mon visage, je suis une gendarme. Je sais, le cœur sur la main, ce cher Patrick Dion. Non, c'est un peu un hasard, mais allons-y avec ça. Mangeur de restants, une nouvelle initiative assez intéressante là, pour éviter de gaspiller de la nourriture. Ben, je ne sais pas à quoi ressemble ton frigo, Marc-André, mais si je regarde le mien et si je regarde celui de la majorité des gens, il y a beaucoup de stocks qu'on a fini tous par finalement jeter à la poubelle au bout de quelques jours. Ça, c'est quand tu commences à crier. Et selon une étude récente, il y a près de la moitié de la nourriture que nous produisons qui finit en vidange. Et ce chiffre-là est un petit peu aberrant quand on considère que les deux tiers de la planète souffrent de malnutrition, mais c'est même pas de malnutrition, c'est vraiment de la faim. Donc, viens à la rescousse cette nouvelle application, Leftover Swap, qui est une application iPhone et Android, qui va voir le jour d'ailleurs à la fin du mois d'août, c'est-à-dire comme d'ici très quelques jours là, on est pas mal rendu là. Leftover swap, qu'on peut traduire littéralement par échange de restants, ça permet de donner notre nourriture à ceux qui en veulent, à ceux qui en ont besoin, ou même d'échanger notre souper avec quelqu'un, parce qu'il y a toujours bien des limites à manger du Kraft Dinner pendant 5 jours, surtout si t'es étudiant. Donc voici la façon dont ça fonctionne. L'internaute prend une photo de sa bouffe, puis il la publie sur le réseau, puis il a juste à attendre un message de quelqu'un qui est intéressé par son plat, qui va venir ensuite le chercher chez lui. On n'est pas très, très loin des photos de foodie, on s'entend, parce que c'est quand même... Oui, sur Instagram. Là. Oui, exactement, sauf que je vous conseille de ne pas faire ça au resto. Le restaurateur risque de ne pas apprécier. Non. Mais c'est une belle façon, je trouve, d'enrayer, ben pas d'enrayer, mais d'aider le dumpster diving, qui est cette technique un peu que les gens utilisent pour fouiller à la recherche de nourriture comestible dans les poubelles. En fait, ça serait le fun que les établissements se pourvoient de cette application-là pour dire, voilà, je m'apprête à acheter X montant de nourriture, venez le chercher. Mais tu sais, c'est quoi le problème avec les restaurants? C'est qu'on a peur des poursuites et il y a toute cette question d'hygiène, de salubrité qui inquiète beaucoup les restaurants. Et là, si jamais, je sais pas, on donne de la nourriture à un itinérant, par exemple, qu'on est sur le point de jeter et que là, je sais pas, il y a une maladie qui se développe ou la personne est malade en question, on a peur des poursuites. Donc, c'est extrêmement compliqué de redistribuer de la nourriture là, quand on est une institution. Bien, c'est un petit peu le problème aussi avec cette application-là, c'est qu'il y a déjà des mains légales qui se lèvent en disant justement il y a une question de salubrité parce que selon la loi canadienne, tu peux donner de la nourriture, mais tu peux pas vendre ou échanger de la nourriture. Alors, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça, mais moi, je trouve quand même l'initiative est louable. Oui, ça s'appelle donc Leftover Swap. Exactement. Et évidemment, on va glisser le lien sur notre Facebook des Oranges Pressées. Tout à fait. Facebook veut brancher les pays en voie de développement. Oui, on parlait des deux tiers de la population qui souffre de la faim, mais il y a aussi deux tiers de la population qui n'a pas accès à Internet. Puis ça, pour nous autres, les Occidentaux, ça n'a pas de bon sens. mais pour cette raison, le merveilleux et grand philanthrope Mark Zuckerberg a décidé de brancher la planète au complet avec une initiative qui lance conjointement avec des grands leaders technologiques, dont Ericsson, Nokia et Samsung. Et ils ont mis sur pied cette initiative-là qui s'appelle Internet.org. On ne sait pas trop exactement ce que ça implique, mais on peut lire sur le site « À l'aide d'outils de partage de ressources et de recommandations, les partenaires Internet.org explorent actuellement des solutions dans 3 domaines riches d'opportunités, accessibilité, efficacité et modèles d'exploitation. » Comme tu vois, ça ne veut pas dire grand-chose. On dirait quasiment le discours de Gérald Tremblay. Mais le discours de communicateur, quoi. Exactement. Mais je veux dire, l'initiative demeure quand même louable oui. Et je ne parle pas de bande passante. Ça me fait penser à l'initiative de Google qui a été lancée récemment, là, qui est en test, entre autres, en Nouvelle-Zélande, avec les ballons gonflés à l'hélium. Je ne sais pas si tu as vu passer ça. Oui, absolument, tout à fait. Ouais. Une façon de transporter Internet grâce à des ballons un peu comme des mini-montgolfières, en tout cas, transporter l'Internet ou des dispositifs Wi-Fi dans des villages là, qui sont un petit peu remote. Oui, qui sont un petit peu plus difficiles à atteindre, par exemple, avec de la fibre optique ou quoi que ce soit. Donc, on amène le sans-fil voilà. À proximité des domiciles. Alors, la Terre est remplie de philanthropes au grand cœur maintenant. Et dernière initiative, une application pour retrouver des vélos volés. Oui, ben en fait, c'est une initiative qui me rejoint particulièrement, moi qui est un petit peu fou de vélo. Et après la création du groupe Facebook Vélo Volé qui a fait parler le web québécois et même plusieurs journaux il y a une couple de semaines, voici Vélo en ville, qui est une nouvelle application mobile montréalaise qui vise justement à contrer le vol de vélos. L'application permet d'enregistrer son vélo, son ou ses vélos, parce que tu peux avoir 4 ou 5 vélos et tu peux enregistrer les 5, avec photos et numéros de série à l'appui, et de déclarer un vol le cas échéant. Mais c'est aussi plus que justement une application pour déclarer des vélos volés, parce que il est possible aussi de vendre et d'acheter ces vélos, d'acheter des pièces, des accessoires. Il y a un forum qui me fait penser un petit peu peut-être à l'initiative Vélocia, qui est un des plus grands forums de vélos au Québec, et il y a un système de messagerie privée. Donc l'app est disponible en version iPhone ou Android, et on peut aussi y accéder par navigateur web si jamais vous n'avez pas de téléphone intelligent. Est-ce possible encore aujourd'hui? Je ne sais pas, mais bon. Malheureusement, l'application n'est pas parfaite. Moi-même, j'ai essayé de l'utiliser hier et en essayant de téléverser une photo, l'application a planté une couple de reprises. Donc, j'ai essayé ce matin. Ça a été très, très long. Finalement, la photo a fini par passer, mais donc j'ai pas pu le tester en profondeur, mais ça laisse présager quand même de bien belles choses. Mais ça vient d'où exactement? Est-ce qu'on sait qui est derrière ça? Est-ce que c'est un simple citoyen ou c'est une entreprise? Je crois que c'est la coalition Vélo Montréal avec l'initiative qui travaille conjointement avec Cam Nova, qui est un artiste visuel et un ancien messager à vélo. Mais justement, Kim nous parlait cette semaine de quelqu'un qui a retrouvé son vélo grâce au web, là, grâce à la communauté internationale, la communauté virtuelle. Effectivement, ça s'est déroulé du côté de Vancouver, puis c'est une femme qui s'est fait voler son vélo et elle l'a revu sur Craigslist après ça. Quelle belle initiative! Est-ce que vous l'avez expliqué en ondes comment elle avait fait ça? Ben, oui, en allant chercher la... Elle a rencontré le voleur, elle l'a essayé, puis elle est juste partie sans revenir. Il a dit « pars pas avec », là. Elle a dit « non, non, non », elle est embarquée, bien partie. Bravo. Elle a récupéré son vélo. Exact. C'est peut-être pas conseillé, parfois ça peut peut-être mener à des situations un petit peu plus... Et le voleur court toujours. Oui, c'est, mais elle la pédale plus vite. Merci beaucoup, Patrick Dion. On va glisser tous ces liens-là, bien sûr, Merci sur notre Facebook. Merci à vous autres. Bonne semaine.